Une jurisprudence intéressante et récente, c'est celle de Duhamel contre Sa Majesté la Reine 2022, qui est en Cour canadienne de l'impôt, ce qui est le niveau le plus bas de la Cour d'impôt au Canada, au niveau fédéral. Après la Cour canadienne de l'impôt, il y a la Cour d'appel fédérale. Et si, même en Cour d'appel fédérale, t'es pas content et que c'est accepté, tu vas pouvoir aller en Cour suprême. Donc, ça, c'est le plus bas niveau de cours de taxation. L'histoire de Monsieur Duhamel, c'est qu'en 2010, il a remporté le World Series of Poker et a continué à de réaliser des gains nets au poker au cours des années suivantes. Donc, c'est un joueur de poker et il faisait la plupart de son argent en jouant au poker pour de vrai. Avant avoir gagné le World Series of Poker, il n'y a pas de background où est-ce qui indiquerait qu'il gagnait beaucoup d'argent en jouant au poker. Clairement, il jouait au poker depuis longtemps, mais comme la plupart des joueurs de poker, il y a probablement eu un bon moment où est-ce qu'il faisait beaucoup de pertes. Après avoir gagné le World Series of Poker, la société PokerStars a conclu une convention qui disait qu'ils allaient verser 1 million de dollars US à Jonathan Duhamel Consulting Inc. Fait qu'en gros, il s'était fait une société, JD Consulting. Et puis, la société PokerStars allait lui verser 1 million de dollars. Contre quoi Monsieur Duhamel allait agir à titre de porte-parole de PokerStars. Il allait aussi participer à des événements promotionnels, ainsi qu'à un certain nombre de tournois en ligne et en présence. La convention de commandite a été renouvelée annuellement jusqu'en 2015. Donc, pendant 5 ans, il recevait 1 million de dollars dans sa société de PokerStars pour essentiellement jouer au poker et être une face visible du monde du poker. Lorsque Revenu Canada est entré dans le cas de Monsieur Duhamel, Revenu Canada a décidé que Monsieur Duhamel exploitait une entreprise par ses activités de jeu de poker et a ajouté les montants de gains nets de tournoi de poker dans son calcul du revenu pour les années, c'était 2010 à 2012 qui était vérifié à ce moment-là. Faut comprendre que les gains de loterie, c'est non imposable. C'est une des sources d'argent non imposable au Canada. Alors, si tu gagnes au 649, le montant que tu reçois est non imposable. Mais Jonathan Duhamel, qui gagnait beaucoup d'argent au poker à cause de sa victoire au World Series, le Revenu Canada a considéré que lui, c'était du revenu d'entreprise. Alors, personne s'est entendu et puis ils se sont rendus en cour pour essayer de déterminer si les gains nets tirés des activités de poker devaient être inclus dans son revenu pour les années 2010 à 2012. Qu'est-ce que la représentation de Monsieur Duhamel disait, c'est que, en gros, le poker, c'est un jeu de hasard. Les gains ne sont pas imposables parce que il peut pas être en train d'exploiter une entreprise en jouant au poker. Parce qu'une entreprise, ça a une définition claire. C'est quoi du revenu d'entreprise? Ça a une définition claire. Et puis, des gains tirés du hasard, c'est un de la loto non imposable, mais deux aussi ne correspondent pas à ce qui serait du revenu d'entreprise. Et puis, il a aussi dit, comme si jamais la cour décide que jouer du poker, ça peut être une activité pour l'exploitation d'une entreprise, il argumente que c'était un passe-temps. Parce qu'encore une fois, un passe-temps, tu peux pas imposer ça. La raison pourquoi un passe-temps, tu peux pas l'imposer, c'est comme le contraire de la situation avec Monsieur Duhamel et son poker. C'est parce que la plupart des gens déclarait beaucoup, beaucoup trop de pertes face à leur passe-temps. Il dirait, oui, moi, mon passe-temps, c'est de collectionner des figurines et de les revendre et de faire des échanges. Et puis là, à chaque fois qu'il revendrait pas les figurines qu'il a achetées, parce que c'est son pas censé de collectionner, il va pas en vendre beaucoup, mais tous les ans, t'aurais des pertes. Et on veut pas ça, parce que les pertes, ça s'applique contre le revenu. Contre toutes les sources de revenus. Donc, c'est ça en deux points, en gros, qu'est-ce que Duhamel disait. Et puis, pour argumenter son premier point, qui dit que c'est pas du revenu d'entreprise de gagner au poker, il se réfère à Larry Stewart, qui est vraiment la référence au niveau de c'est quoi du revenu d'entreprise, c'est quoi un passe-temps, c'est quoi du revenu de gain. Comme Stewart, c'est vraiment une grosse référence. Et puis, Jamel dit, ben selon Larry Stewart, c'était pas une entreprise parce qu'il y a pas de formation au poker, et puis il y a pas de plan d'affaires, il y a pas de système qui permet de mieux réussir, il y a pas de stratégie, il y a pas d'expectative de profit à long terme, d'expectative de perte. Tu peux pas agir comme homme d'affaires sérieux, puis c'est vraiment ça qui est dans la jurisprudence. Dans Larry Stewart, il parle de si tu te comportes comme un homme d'affaires sérieux, en prenant des décisions d'affaires en lien avec le revenu que tu es en train d'accumuler, là, ça compte comme du revenu d'entreprise. Et c'est important de définir comme ça, pas du tout pour le cas de Duhamel, mais pour des cas où est-ce que des gens ont pris des décisions administratives dans leur entreprise qui semblaient bonnes à ce moment-là, mais qui ont mené à d'énormes pertes. Et puis, à un moment donné, Revenu Canada, Revenu Québec disaient, ben la décision que tu as prise, c'était pas bon, et puis il y avait aucune espérance de perte, mais comme in hindsight, là, on triche, là, il y avait aucune espérance de profit. Alors, ça compte pas comme du revenu d'entreprise, ça n'a pas le droit de prendre ta perte. Puis là, Stewart est arrivé, puis il a dit non. Si à ce moment-là, ça comptait comme une décision prise par un homme d'affaires sérieux, même s'il y a plein de pertes après, puis qu'il n'y a jamais eu de profit, il a le droit de prendre ses pertes. Fait que, puis c'est pas faux, là, dans le cas de Duhamel, que tu peux pas compter sur du poker pour faire des gains à long terme. C'est pas une bonne idée. Et de l'autre côté, Revenu Canada, la position de Revenu Canada, c'est que Duhamel exploitait une entreprise qui va au-delà du simple divertissement. C'était pas un passe-temps pour lui, c'est comme ça qu'il faisait son argent. Il employait des stratégies de minimisation des risques, amélioration de sa technique. Il a étudié ses adversaires, il regardait des vidéos de ses adversaires genre avant pour essayer de voir s'ils avaient des tells, comme ils se préparaient. Il y avait une stratégie, il y avait une expectative raisonnable de profit. Parce qu'il était habile, il était juste bon, il était bon. On peut regarder les résultats, on voit qu'il est bon au poker. Le poker, c'est pas un jeu qui est juste du hasard. Il y a définitivement des joueurs de poker qui sont vraiment meilleurs. Puis, il y a une raison pourquoi est-ce que l'expression poker face existe. Aussi, il y avait des commandites versées par PokerStar. qui voulait dire qu'il y avait, comme il s'attendait à avoir du revenu, au moins dans les commandites de PokerStar. Et puis, il y avait d'autres facteurs aussi qui pouvaient montrer qu'en fait, il renait une entreprise avec du revenu d'entreprise, comme il avait une tenue de registre, il y avait une retenue il y avait une retenue sur l'argent qu'il faisait à cause d'un agent, parce qu'il avait un agent. L'agent était là pour négocier les contrats de commandite. Il y avait des contrats de partage de gains. Il y avait des contrats d'analyse de rentabilité. Il faisait des choses qui étaient clairement ce qu'un homme d'affaires sérieux aurait fait. Donc ça, c'est le point de vue de Revenu Canada. Et là, après avoir entendu ces points de vue-là, la Cour a regardé les facteurs objectifs de commercialité pour voir si Duhamel, son but, c'était de tirer un profit en jouant du poker. Et aussi, la cour dit qu'on s'en fout s'il n'a pas de formation, on s'en fout si il n'y a pas c'est pas grave s'il n'a pas pris le temps de réfléchir à des stratégies assez, parce que de toute façon, le poker, c'est pas quelque chose qui a des formations. Tu peux pas aller comme à l'école pour apprendre à jouer au poker. Alors, même si ça, c'est quelque chose qui s'applique pour, par exemple, les gens qui disent « Ah oui, c'était plus du revenu, c'est un passe-temps, quand je peinture, j'ai jamais été à l'école en art », ça peut être un argument qui penche un peu vers « Ok, c'est vrai que c'est un passe-temps ». C'est un argument qui peut définitivement pencher dans l'autre sens beaucoup. Ou est-ce que si tu dis « Ah non, je peinture et c'est un passe-temps », mais que tu as été à l'école en art, là, c'est comme « Hmm ». Is it though? Je répare des chars, mais c'est un passe-temps. Ok, mais t'as une technique de mécanicien, comme. Je suis pas sûre que c'est un passe-temps. Mais ça marche pas pour du poker, évidemment. On peut pas regarder s'il a une formation, ça existe pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre déjà à la cour? Oh oui, ils ont dit que. Même si Duhamel s'est ramassé à faire de l'argent, il n'y a pas de preuve que son but c'est de faire de l'argent parce qu'il avait un énorme coussin financier. Il était comme déjà riche quand il a commencé à jouer au poker et tout. Ce qui a du sens parce que tu peux pas commencer à jouer au poker souvent si t'es pas déjà riche. Vu qu'il avait ce coussin financier-là, ça se peut très bien... Puis que oui, il y avait aucune autre activité que le poker pour ramasser de l'argent, mais il n'y avait pas besoin d'une activité pour ramasser de l'argent. Il n'y avait pas besoin d'une job. Aussi, il avait des dividendes de certaines entreprises desquelles il était actionnaire. Fait qu'il y avait d'autres sources de revenus passifs qui lui permettaient, en fait, de prendre le risque de perdre tout son argent en jouant au poker. Oui, alors la cour dit aussi que Jamel n'avait pas de plan d'affaires, avait pas de registre de gains-pertes, et que le poker veut pas, les gains, les résultats sont dus comme principalement au hasard dans la distribution des gains-pertes. Donc, Monsieur Jamel n'utilisait pas un système de gestion ou d'atténuation des risques parce que ça existe pas dans le cadre de jouer au poker. Il n'y a pas un système magique qui atténue les risques quand tu joues à la loto. Il y a aucun moyen systématique et sérieux de gagner des tournois de poker. Ça existe pas. De décider que tout ton revenu va venir du poker, c'est pas pantoute. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires sérieux ferait? Alors, la cour a conclu que les activités de poker de Duhamel, c'est pas assez commercial pour constituer une source de revenus au fin de la loi. C'est une décision qui est très mitigée parce que le poker, c'est pas la seule source de revenus ou de pertes principalement lié au hasard qui existe. Il y a le sports betting qui est comme un gros problème parce que le sports betting, c'est comme 0,5% des gens qui ramassent tout l'argent parce qu'ils font des analyses, ils ont des programmes sur qui joue, qui peut jouer pas, c'est quoi le vent, c'est quoi les dernières performances des joueurs, des équipes, etc. C'est ça. Fait que le top 0,5% font des analyses. Et puis 99,5% font, moi, je bête sur les Canadiens aujourd'hui. Mais ce 0,5%, est-ce que ça peut être considéré comme du revenu d'entreprise? Est-ce que ça peut être considéré comme du revenu imposable? Et puis, si on conclut que une de ces activités-là, le poker ou le sports betting ou d'autres activités qui sont techniquement du hasard, mais que t'as un très petit taux de gens qui va ramasser 99% de l'argent, ben le 99% de gens qui ramassent pas d'argent parce qu'ils vont les perdre, ils pourraient dire, ben moi, tous les jours, je vais au casino. Alors, c'est une activité d'entreprise. On a déjà de la jurisprudence qui dit qu'aller au casino, ça peut être une activité d'entreprise. Et là, on va avoir beaucoup de gens qui vont déclarer des pertes. Parce qu'on veut que ce soit équitable. Si tu peux déclarer... Si on te demande de déclarer les revenus, il faut que tu puisses déclarer les pertes quand tu as des pertes. Fait que c'est... Honnêtement, comme... Il faut... que la cour conclue que le sports betting, que le poker sont des activités non commerciales et peuvent jamais être des activités commerciales parce que sinon on entre dans ce in-between dangereux où est-ce que t'es obligé de permettre les pertes et puis là, il y a bien des gens qui vont jamais payer de l'impôt parce qu'ils vont avoir assez de pertes pour couvrir tout le revenu tout le temps. Fait que c'est ça. Ça, c'était Duhamel contre la Reine 2022. Revenu Canada n'a pas demandé d'aller en appel. Alors, c'est là que ça se termine.